Chapitre 7e. La subsistance des Robinson était donc assurée pour plusieurs jours, à la condition toutefois de suivre un régime presque exclusivement ichtyophagique, de faire le carême, disait plaisamment Nicolas en s'éveillant. Bien qu'ils eussent lieu de se croire en sûreté, ils tinrent conseil des lobes pour ne pas perdre de temps. Il ne fallait pas songer à remonter le Maroni afin de pénétrer dans la Haute-Guyane. Non pas qu'il y eût quoi que ce fût à redouter de la part des Boni ou des Indiens, mais l'arrivée des Européens ne manquerait pas de produire quelques sensations. La nouvelle ne tarderait pas à se propager jusqu'au pénitencier, sans mauvaise intention. Mais cette indiscrétion pouvait coûter à Robin sa liberté, si chèrement achetée. On continuerait à s'enfoncer en plein bois. La crique semblait se diriger à l'ouest. L'on irait donc à l'ouest, en suivant le chemin qui marche. L'on s'arrêterait non loin de la source, autant que possible sur un point un peu élevé, découvert et éloigné des marais. Puis, comme disent les marins, on se débrouillerait afin de pourvoir à la subsistance de tous. Malheureusement, ils étaient au moment de perdre leur plus puissant auxiliaire. Angosso avait rempli toutes ses promesses. Il parlait de retourner à son village, et comme il était le légitime propriétaire de la pirogue, son départ constituerait pour nos amis un véritable désastre. Il fallait le décider à pousser en avant, et ce n'était pas chose facile. Nos pauvres Robinson, vu leur dénuement complet, n'avaient rien à lui offrir pouvant exciter sa convoitise de sauvetage. Pourvu d'un assortiment complet de couteaux à 6 sous, de colliers de perles et de cotonnades, échangés à la factorerie d'Albina, Angosso était pour le moment un capitaliste désireux d'étaler ses trésors aux yeux de ses compatriotes. Il résistait doucement, mais avec fermeté, à toutes les prières, et Robin constatait, non sans angoisse, qu'il ne pourrait peut-être pas le fléchir, quand, par le plus grand hasard, Nicolas sauva la situation. Il n'entendait pas un traître mot au patois nègre, mais il comprenait à la pantomime du proscrit que les affaires n'allaient pas. « Est-il loin de se décider, celui-là »« Voyons, » dit-il en interpellant le bonnet, « vous êtes un bon garçon, n'est-ce pas ? Moi aussi, entre braves gens, il y a toujours moyen de s'entendre. » À Paris, on pourrait à la rigueur trouver du crédit en souscrivant des billets. Mais c'est une monnaie qui n'a pas cours ici, car je crois les endosseurs bien rares. Si pourtant, vous vouliez accepter un paiement en argent, ma foi, je solderais bien la course et je donnerais un pourboire raisonnable. De l'argent ? Interrompit Robin. Vous avez de l'argent ? Ma foi, oui. Quelques vieilles pièces de 100 sous qui se promènent dans ma poche. Tenez, dit-il au bonnet en lui montrant 5 francs. Connaissez-vous ces médailles-là, monsieur le sauvage ? Oh ! S'écria Angosso radieux, les yeux ouverts jusqu'aux tempes, les narines aplaties sur les joues, la bouche béante. Ça, Rouleau ! Tiens, il connaît notre métal blanc, le naïf enfant de la nature. Bonne affaire alors ! Il appelle ça un rouleau dans son patois. Au fait, les philosophes de la langue verte les nomment bien des roues de derrière. Oui, estimable canotier, un rouleau, 2 rouleaux, 3 et même 4 rouleaux. Une fortune, en échange de votre péniche et de vos bons soins, cela vous va-t-il ? Mouché, dit Casimir. Mouché ou gain sous-marqué ? Ou bail de rouleau à Boni ? Livini caba. Donnez 2 rouleaux au Boni, il viendra aussitôt. Voyons, patron, vous qui connaissez le langage de ces insulaires, ayez donc l'obligeance de m'expliquer un peu ce qu'ils entendent avec le rouleau et leur sous-marqué. C'est bien simple. L'unité monétaire en Guyane est le décime. Mais ce décime n'est pas la grosse pièce de 10 centimes qui accourt en Europe. C'est l'ancien liard de France en cuivre auquel on a donné arbitrairement la valeur de 2 sous. On l'appelle sous-marqué. On en empile des rouleaux de 50 comme des louis. De là le nom de rouleau donné à votre pièce de 5 francs par Angosso. « Où cavaille mon rouleau ? » dit-il enfin. « Mon cabini, donnez-moi mon rouleau et je viens. » « Mais certainement, mon brave homme, que je vais vous les bailler avec joie. Entendons-nous pourtant. 2 comptants les voici, et les 2 autres quand nous serons à destination. Voilà comment j'entends les affaires. Ça vous va, top là. » Robin traduisit la proposition de Nicolas. Le bonnet aurait bien voulu les 4 rouleaux, mais le Parisien fut inflexible. « Mon garçon, quand je prends un sapin, je paye l'heure ou la course après, jamais avant. Et voilà. » Angosso maquignonna quelques moments encore, discuta pour la forme, puis consentit. Il prit avec une joie d'enfant les 2 pièces, les fit sonner, les tourna, les examina, et finalement les noua dans un des coins de son calimbé. « Babette, le voisin !» termina Nicolas en manière de péroraison. « Il prend son caleçon de bain pour porte-monnaie. » Rendons à Ngosso cette justice, qu'aussitôt son engagement pris, il se mit en devoir de la remplir. Il se hâta d'empaqueter les poissons dans de larges feuilles et de les déposer au milieu du canot, recouvrit de branchages verts cette cambuse improvisée, enroula son hamac, prit sa pagaie et s'installa à l'arrière en tâtant le coin d'étoffe qui recelait son trésor. « Nous partis Gaba ? » interrogea-t-il. « Partons ! » répondit Robin, après avoir installé sa femme et ses enfants aussi commodément que le permettait l'aménagement de l'embarcation. Les ressources de cette intéressante famille étaient, hélas, bien précaires, et la nomenclature en sera fort courte. Ils ne possédaient pas, comme leurs confrères et devanciers, les Robinsons des légendes, un vaisseau commandément échoué sur des récifs et dans lequel se trouvent tous les objets indispensables à la vie. Un navire est un monde, il recèle tout, et les richesses qu'il renferme constituent une fortune pour des naufragés. Mais combien est terrible la situation de ceux qui, dans un tel pays, manquent des choses les plus élémentaires et se trouvent plus dénués encore que les hommes des époques préhistoriques, avec leurs armes et leurs engins primitifs. N'oubliez pas que sur ces 8 fugitifs, il y a 4 enfants en bas âge et une femme, plus un invalide, le pauvre vieux noir. Comme objet de première nécessité, 2 petites caisses contenant quelques effets et un peu de linge, 2 sabres d'abattis, une hache et une pioche sans manche, dernier débris échappé à l'incendie de la case, plus un fusil à 2 coups, présent du capitaine hollandais. Comme munition, 1 kg de poudre, 200 charges environ et un peu de plomb. Il faudrait donc tout inventer, tout fabriquer. Robin était plein d'espoir. Quant à Nicolas, il ne doutait de rien. La situation n'en était pas moins fort critique. L'embarcation glissait vivement sur les eaux tranquilles entre 2 murailles de verdure au fond desquelles serpentait, comme encaissée, la petite crique. De temps à autre, un gros martin pêcheur, de la taille d'un pigeon, s'enfuyait en poussant son cri bref et saccadé. Des oiseaux-mouches, en quête d'insectes, bourdonnaient et rutilaient comme des écrins au soleil, pendant que des oiseaux-diables, jaseurs et familiers ainsi que des pies, mais aussi noirs que des merles, voletaient en piaillant. Puis, une grosse houppe de plumes multicolores traversait lourdement la brèche en poussant d'assourdissantes clameurs. « Ara ! Ara ! Ara ! » Le cri nous dispense de nommer l'oiseau. L'honoré solitaire chantait ses 4 notes, do, mi, sol, do, avec une incroyable justesse d'intonation. Le cacique jetait son joyeux appel, le moqueur lançait son éclat de rire sarcastique, des macaques et des sapajous grimaçaient en se balançant par la queue, pendant que tout un monde de cigales, de criquets, de grillons, de sauterelles grattaient furieusement leurs élytres. À droite et à gauche s'étalaient les merveilles de la flore tropicale. Il y avait de l'air et de la lumière, les fleurs surabondaient. Sur les longues et larges feuilles du barlourou, dont les tiges couvraient la berge, se détachaient les admirables fleurs de l'héliconia, aux pétales alternés, aux reflets de pourpre, le cacaoyer sauvage, le splendide Padura aquatica, ainsi nommé à cause de la ressemblance de son fruit avec celui du cacaoyer, émergeait des eaux légèrement saumâtres encore. Les voyageurs ne pouvaient se lasser de contempler ces admirables fleurs, dont les étamines nombreuses, veloutées, soyeuses, fines comme un impalpable duvet, longues de plus de 30 cm, se dressent en aigrettes d'argent et de corail, et ces colosses, comme le wapa aux fleurs rouges disposées en panicules, flamboyant comme des panaches, l'ébène verte couverte de pétales d'or, sous lesquelles disparaissaient les feuilles, comme la chevelure d'une bayadère sous les sequins étincelants, le gaillac à la fève odorante, le minquoir au tronc percé à jour, et semblable à un faisceau de maillons de chêne, lissiqué aux effluves balsamiques, le coratari, curataria, guenensis, à la cime gracieusement arrondie, aux grandes fleurs argentées lavées de pourpre, disposées en épis axillaires, aux fruits ligneux, pointus, à l'opercule évasé, formant une tête, long de 15 cm, dont la bizarre conformation rappelle un grand clou, d'où le nom populaire de clou de Jésus-Christ. Le panacoco, aux arcabas gigantesques, les cèdres, les acajous, les sassafras, les cimarombas, les grignons, les wakapous, les courbarils, les bois de rose, les carapas, les bagasses, les génipas, les maos, les lettres mouchetées, les satinées, les moutouchis, que sais-je encore ? Tous ces merveilleux végétaux, serrés à la base, confondus à la cime, enlacés par les lianes, couverts par les plantes parasitaires, semblaient pliés sous la végétation supplémentaire qui les envahissait. Orchidées, broméliacées, aoridées, accrochés aux branches, étalés sur les troncs, incrustés aux écorces, exposaient leurs fantastiques nuances de leur inépuisable écrin. Coriantes aux touffes pendantes, gynopétalons aux fleurs violettes à reflets bleuâtres, méléagrias qui entourent les troncs de gracieuses collerettes feuillues, pendant que les fleurs portées sur de longs pédoncules retombent jusque sur les racines comme d'interminables queues d'oiseaux de paradis. Et les gongoras, les stonopkea, les brassia, les maxillara, les brassavola, qui toutes rivalisent de grâce, d'éclat et de fraîcheur. Et les bromélias carata, aux feuilles de plus de 2 mètres, aux longues épines en crochet, véritables chevaux de frise aériens, les barbacenia puretia, aux fleurs multicolores comme un bouquet d'artifice, les tilandria aux épis garnis de belles bractées roses. Le proscrit pouvait à peine les citer au passage, jeter aux enfants ravis et curieux les noms de ces incomparables merveilles. À chaque instant, il eût fallu descendre et rapporter quelques échantillons, mais Casimir et Angosso ne l'entendaient pas ainsi. Courbés sur leurs pagaies, ils nageaient avec énergie, comme s'ils avaient voulu fuir au plus vite ce spectacle enchanteur. Question, prière, rien n'y faisait. « Nous qu'y aller ?» grognit Angosso, dont la peau fumait comme une chaudière. « Nous qu'y aller, qu'à bas vite, passer Cariacou, » renchérissait le lépreux. « Allons encore plus vite qu'un Cariacou. » « Mais pourquoi ? Sommes-nous en danger ? Qu'y a-t-il ? Parle, mon vieil ami. » « Ah, compé, nous gain la fièvre, si nous pas aller, ça a mis en pays. Tout moun mourit kaba côté nous fika. Nous aurons la fièvre, si nous ne fuyons pas, ce pays est malsain. Tout le monde mourrait au lieu où nous sommes. » Robin frémit. Il savait bien qu'en certains lieux, la malignité des effluves marécageuses est telle qu'il suffit d'y séjourner quelques heures pour contracter l'accès pernicieux. Il lui semblait en effet respirer. Je ne sais quelle odeur fade, douceâtre et écœurante de végétaux en dissolution. D'invisibles vapeurs de vase flottaient dans l'atmosphère épaisse que la brise ne renouvelle jamais. De ces vapeurs qui tuent les hommes et vivifient les fleurs. Cet air putride, qui distillait à la fois des miasmes et des parfums, transudait la mort. La pirogue volait sur les flots lourds, stagnants comme ceux d'un lac asphaltite, et saturés aussi d'impalpables détritus. Trop juste et trop légitime, dit éloquemment l'admirable Michelet, l'hésitation du voyageur à l'entrée des redoutables forêts où la nature tropicale, sous des formes souvent charmantes, fait son plus âpre combat. Le danger est plus grand peut-être dans ces forêts vierges, où tout vous parle de vie, où ferment éternellement le bouillonnement creuset de la nature. Ici et là, leurs vivantes ténèbres s'épaississent d'une triple voûte, et par des arbres géants et par des enlacements de lianes, et par des herbes de 30 pieds, à larges et superbes feuilles. Par places, ces herbes plongent dans le vieux limon primitif tandis qu'à 100 pieds plus haut, par-dessus la grande nuit, des fleurs altières et puissantes se mirent dans le brûlant soleil. Aux clairières, aux étroits passages où pénètrent ces rayons, c'est une scintillation. Un bourdonnement éternel des scarabées, papillons, oiseaux mouches et colibris, pierres animées et mobiles qui s'agitent sans repos. La nuit, scène plus étonnante, commence l'illumination féerique des mouches luisantes, et qui, par milliards de millions, font des arabesques fantastiques, des fontaines effrayantes de lumière, des grimoires de feu. Avec toute cette splendeur, aux parties basses, clapote un peuple obscur, un monde sale de caïmans, de serpents d'eau. Au tronc d'arbres énormes, les fantastiques orchidées, filles aimées de la fièvre, enfants de l'air corrompu, bizarres papillons végétaux, se suspendent et semblent voler. Dans ces meurtrières solitudes, elles se délectent et se baignent dans les miasmes putrides, boivent la mort qui fait leur vie et traduisent par le caprice de leurs couleurs inouïes l'ivresse de la nature. N'y cédez pas, défendez-vous, ne vous laissez point gagner au charme de votre tête appesantie. Debout, debout, sous cent formes le danger vous environne. La fièvre jaune est sous ses fleurs et le vomito négro, à vos pieds traînent les reptiles. Si vous cédiez à la fatigue, une armée silencieuse d'anatomistes implacables prendrait possession de vous et d'un million de lancettes ferait de vos tissus une admirable dentelle, une gaze, un souffle, un néant. Les voyageurs accélèrent encore leur course. Il leur fallait à tout prix franchir cette zone marécageuse avant la nuit. Il leur eût été à peu près impossible d'atterrir et de se frayer un chemin à travers les broussailles. Du terrain humide et mou, susceptible d'engloutir un campement, s'élèverait, aux heures sombres, l'opaque brouillard, dont les mortelles émanations ont reçu le nom de linceul des Européens. Après avoir évité les hommes, il était urgent d'échapper au miasme. qu'elles sont longues et douloureuses, ces heures passées entre deux murailles végétales surchauffées, sur une rivière qui semble bouillir, sous un ciel bleu pâle que calcine le soleil de l'équateur. La bouche se parchemine, la gorge devient brûlante, le poumon ne peut plus aspirer cet air de haut fourneau. Une dyspnée douloureuse survient, les oreilles tintent, les yeux s'obscurcissent. En dépit de l'immobilité la plus complète, une sueur dont on ne peut concevoir l'abondance enveloppe le corps, coule en nappe du front dans les yeux, dans la bouche, roule sur le tronc, sur les membres, imprègne les vêtements et tombe en pluie pour s'évaporer bientôt. Ce n'est pas sans une sorte de terreur que l'homme le plus aguerri assiste impuissant à cette annihilation, à cette vaporisation de son être. Il sent ses forces diminuer. Il a conscience de cette rapide usure de son organisme. Ses traits se creusent, sa peau devient livide, ses oreilles jaunissent, l'anémie arrive, foudroyante. Vienne la fièvre portée sur son invisible nuage de mycoderme, quelle proie facile pour elle. Les Robinsons, grands et petits, supportèrent vaillamment cette épreuve. Il n'est pas besoin de dire que le Bonnie et Casimir, jouissant tous deux des immunités particulières à la race noire, semblaient ne pas s'apercevoir de la chaleur. Ils évoluaient dans cette étuve comme deux salamandres humaines. En dépit de sa vigueur, Robin avait dû renoncer à la pagaie. Une pluie copieuse vint heureusement rafraîchir l'atmosphère. Les couches d'air fouettées par le grain devinrent bientôt respirables. Un long soupir de soulagement s'exhala de toutes les poitrines. La crique s'enfonçait toujours dans l'ouest. La nature des terrains se modifiait et, naturellement, les essences végétales changeaient. Auberges plates, molles, envahies par les plantes aquatiques, succédaient des bandes d'argile mêlées de grès ferrugineux, de sable granitique, et que déchiraient çà et là des roches diorytiques. Les eaux qui charriaient en abondance de l'oxyde de fer étaient vivement colorées en rouge. Des interstices des roches s'élançaient, droites et rigides, les longues tiges quadrangulaires et hérissées d'épines de l'euphorbe captiforme, l'immense panache de l'agave, aux fleurs jaunes verdâtres, qui surgit d'un monceau de feuilles larges, épaisses, charnues, longues de plus de 2 mètres, et que terminent de véritables javelots. Là, s'étageaient bizarrement les articles ovales et aplatis des cactus nopales, connus vulgairement sous le nom de raquettes, et couverts de fruits pulpeux appelés figues de barbarie. Quelques iguanes gigantesques aux flancs d'émeraude bâillaient immobiles sur les rocs et regardaient passer d'un œil morne l'équipage de l'Espérance. Angosso lâcha sa pagaie, saisit son arc, un sifflement aigu retentit, et un de ces inoffensifs sauriens roula sur le dos, troué par le triple dard d'une longue flèche à hampe de générium. Cette prouesse de l'adroit chasseur rompit le charme. Chacun sembla s'éveiller. Les enfants battirent des mains. Nicolas cria bravo. « Ça, c'est enlevé, et lestement, oh, la vilaine bête !»« Vilaine, mais délicieuse à manger. »« Oh, papa, on mange donc les crocodiles ?»« Ce n'est pas un crocodile, mon enfant, mais un iguane, une espèce de gros lézard inoffensif. » À la chair excellente et dont nous nous régalerons ce soir, n'est-ce pas, Angosso ? Oui, mouché, répondit le noir en sautant lestement sur le roc. Ça bête là, lit bon grillé. Si nous nous arrêtions ici pour camper, qu'en dis-tu ? Oh, mouché, où qu'avini morceau ? Dit-il sans répondre à la question. Robin prit pied à son tour sur le rocher et regarda de tous côtés. La rivière faisait un brusque crochet et filait presque à angle droit vers le nord. De ce point élevé de quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau, le proscrit aperçut à travers une échancrure formée par un caprice du courant une colline bleuâtre éloignée de plusieurs lieues. En prêtant attentivement l'oreille, il lui sembla entendre un murmure de cascade. « Oh, ce serait trop de bonheur ! Une montagne dont le sommet est inaccessible au miasme, que rafraîchit la brise, et un torrent qui coule le long de ses flancs. Mes enfants, nous sommes sauvés. Avant 2 jours, nous serons au terme de nos souffrances. » La crique s'élargissait pour la seconde fois, formant un lac encore plus étendu que celui où avait eu lieu la pêche miraculeuse. Une longue barre de rochers la coupait en biais. Les flots se brisaient avec un sourd frémissement sur les pointes aiguës et roulaient sur les croupes noirâtres qu'elle lavait sans relâche. Çà et là, émergeaient de grosses masses sombres, aux flancs pommelés d'écume, drapées de mousse, hérissées de plantes grasses. Cette barre se dressait comme une infranchissable barrière, d'au moins 300 mètres de largeur sur 4 mètres de hauteur moyenne. De chaque côté s'étendait à une distance incalculable des pripris, ou savanes noyées, un insondable fond de base molle, aux herbes géantes, aux eaux moirées, peuplées de serpents d'eau, de caïmans et d'anguilles électriques. Toute communication semblait interceptée entre le haut et le bas de la crique. Muraille ou cascade, l'obstacle était continu, sauf en un point, où il était coupé par une brèche large d'un mètre et où se précipitaient les flots avec une folle impétuosité. Si nous réussissons à franchir cette fortification, nous serons préservés de toute visite intempestive, dit après un moment de réflexion Robin, qui examinait attentivement cette curieuse disposition. Mais pouvons-nous passer ? Nous passer qu'à bas, répondit avec assurance le Bonny. Angosso passer partout. Mais comment feras-tu ? Ça, mots à faire, moucher. Ou qu'a passé madame, qu'a passé sa mouche blanc là ? Il désignait Nicolas. Piti moun, vie et cocobé passé. Ou qu'a parlé qu'à bas ? Angosso, pour donner plus de solennité à son opération, demandait le silence. Chacun se tut. Il y avait un réel péril à tenter une semblable aventure. Seul parmi les habitants du Maroni, le Bonny était peut-être capable de la mener à bien. Le canot longea au plus près le rapide, puis Robin, aidé de Nicolas et de Casimir, s'arc-boutèrent à des pointes de roc et le maintinrent au bas de la muraille granitique. Angosso, sans dire un mot, après avoir enroulé son hamac autour de ses reins, se hissa lentement avec une vigueur et une adresse qui eussent fait l'envie d'un gymnaste, s'accrochant des pieds, des mains, des ongles, racines, aux anfractuosités. Il arriva sur la crête après un quart d'heure de travail surhumain. Sans perdre un moment, sans même étancher le sang qui perlait en gouttes rouges sur son torse et sur ses membres déchirés, il déroula son hamac, au raban noirci avec le suc du mani, au long et solide amarre de coton. Il fixa ses amarres à une crête rocheuse et laissa pendre le hamac dans le vide. « Où qu'à monter ? » dit-il à Nicolas, en lui désignant le lourd et épais tissu de coton qui ressemblait assez bien à une fronde immense. « Ah, c'est moi qui vais essayer l'appareil, » fit le Parisien. « Ça me va. Une et deux, en douceur et du nerf. » Il n'avait pas achevé sa phrase, qu'à la grande stupéfaction du noir, il s'était en trois temps hissé avec la prestesse d'un quadruman et avait pris place près de lui sur le roc. « Voilà comment nous sommes, nous autres, » dit-il en se rengorgeant. « Avec deux sous de ficelle, on grimperait autour de Notre-Dame. À vous, patron. »« Non pas, tic blanc. Ligametti, madame, dans un mac. » Là, ça même. Madame Robin fut enlevée doucement par les deux hommes qui réunirent leurs efforts, et une demi-minute après, elle se trouvait aussi sur la barre de récif. Ce fut ensuite le tour de chacun des enfants. Robin ne pouvait suivre la même voie. Ses forces, combinées à celles de Casimir, suffisaient à peine à maintenir l'embarcation chargée de provisions et que le courant menaçait à chaque instant d'entraîner. Angosso descendit, reprit sa place à l'avant de la pirogue, prit à Robin de monter rejoindre les siens et de hisser à son tour le vieillard. Ils étaient enfin réunis sur cet étroit espace, environnés de tous côtés par les îlots hurlants, attendant anxieux que le Bonny terminât son œuvre. Ce dernier, cramponné d'une main à la barque, de l'autre à une racine, luttait énergiquement contre le courant. « Baille-moi cordes, hamac !»« Jetez-moi les cordes du hamac !» Robin comprit. Il fit glisser les deux amarres des rabans, les noua bout à bout, lança au noir une des extrémités et retint l'autre dans sa main. « Tiens bon, Nicolas, il y va de notre vie. »« Ah, pas peur, patron. Faudrait m'arracher le bras plutôt que de me déraciner de là. » Angosso fixa en un tour de main la corde à l'embarcation et tenta d'engager le frêle esquif dans l'étroit chenal. Les deux blancs, debout à l'extrême rebord de la coupure, allaient doucement pendant que le noir, impassible, fouillait de son tacari les flots furieux qui menaça à chaque instant de l'engloutir. Un faux coup de son instrument, une demi-seconde d'hésitation, et sans effet. La mare, tendue à se rompre, craque. Le Bonny voit le péril. Dû sa poitrine être écrasée par le tacari sous la poussée du flot, il passera. Le brave garçon, concentrant son incomparable vigueur dans un dernier et formidable effort, se cambre en arrière, se jette à corps perdu sur ce morceau de bois qui plie comme un arc sous la main du chasseur. Au risque de briser la mare, les deux blancs impriment une brusque secousse. Le tacari se détend sans que le torse de l'athlète noir fléchisse. La barque, lancée en avant par cette irrésistible poussée, vole sur le flot en fureur, disparaît un moment dans un tourbillon d'écume, pour reparaître bientôt après avoir, en quelque sorte, troué la cascade. 5 secondes après, le brave Angosso abordait près de nos amis en poussant un long cri de triomphe. Il venait d'accomplir un de ses tours de force, dont les sols noirs de la Haute-Guyane sont susceptibles. Pour bien comprendre la difficulté presque insurmontable d'une telle entreprise, qu'il suffise au lecteur de savoir que la barre n'avait pas plus de 5 mètres de largeur et que sa hauteur dépassait 3 mètres. Le soleil déclinait. Il fut décidé que l'on passerait la nuit sur les rochers. On fit choix d'une place bien nette sur laquelle furent étalées les feuilles formant la toiture recouvrant l'Espérance, et chacun s'endormit après avoir absorbé un bon morceau de poisson boucané. Le lendemain, dès l'aube, on mit le cap sur la montagne aperçue la veille dans les brumes du lointain. Le lac fut franchi, la côte se rapprocha bientôt, tant la proximité du but donnait d'ardeur aux pagayeurs. Phénomène singulier, la végétation subissait encore une deuxième transformation. Au fond d'une petite anse s'élevaient de grands palmiers qui semblaient être des cocotiers. Quelques bananiers se montraient également leur panache aux feuilles immenses, puis d'autres arbres bien distincts comme forme de ceux que l'on trouve habituellement dans les forêts, étalaient presque jusqu'à terre leurs branches portées sur des troncs bas et trapus. On eût dit des manguiers. Une folle profusion de végétaux parasitaires, herbes géantes, lianes inextricables, plantes vertes, épaisses comme une muraille, druées serrées comme des tiges de blé, couvraient le sol et ne laissaient apercevoir que la partie supérieure des arbres entrevus par les voyageurs. Enfin, une brèche énorme, affectant la forme d'un triangle isocèle, dont le sommet s'appuyait au sommet de la colline, et la base sur la petite anse où flottait l'Espérance, semblait pratiquée à travers les géants séculaires de la forêt vierge. Des plantes, dont il était impossible, vu l'éloignement, de déterminer l'espèce, s'étendaient sur ce versant en un tapis offrant à l'œil tous les tons de verdure, depuis le vert pâle de la canne à sucre jusqu'au vert épais et foncé du manioc. « Mon Dieu !» dit Robin. « Je crains de me tromper. Pourtant, ces arbres que l'on trouve dans les grands bois que quand ils ont été apportés par l'homme, cet envahissement par les parasites d'un terrain jadis déblayé, ce pan de forêt abattu, tout semble indiquer que ce lieu n'a pas toujours été désert. » Casimir, ne sommes-nous pas en face d'un ancien abatis ? Oui, compé, ça même, vieux abatis. Chère femme, cher petit, je ne m'étais pas trompé hier, avant de franchir le rapide. Ce coin perdu a été jadis habité, il y a bien longtemps sans doute, par des hommes comprenant merveilleusement la culture. Il est maintenant abandonné. À nous de tirer parti des richesses qu'il contient. La pirogue aborda bientôt sur une petite plage ombragée de splendides cocotiers et dont, par bonheur, le sol avait été respecté par les plantes vivaces. Angosso, aidé de Robin et de Nicolas, se hâta de fabriquer deux carbets dont l'un devait servir d'abri provisoire à la famille et l'autre de magasin à provisions. On y déposa le poisson séché, puis on tint conseil sur l'urgence des travaux à exécuter. Ce conseil débuta par une interpellation d'Henri. « Père, dit l'enfant, qu'est-ce donc un abatis ?»« Depuis que tu es un gentil Robinson et un vaillant coureur des bois, tu as remarqué, n'est-ce pas, mon cher fils, que tous ces grands et beaux arbres de la forêt vierge ne produisent pas de fruits alimentaires, et qu'il est impossible de planter ou de semer quoi que ce soit dans le sol qui les porte. Oh oui, puisque les plantes n'auraient pas de soleil. C'est parfait. Que fait l'homme poursuivi toujours par l'impérieux besoin de manger ? Il s'arme d'une hache, renverse tous ces géants, fait place nette en un mot. Au bout de 3 mois, ces arbres sont secs, il y met le feu et le sol, à peine refroidi, est propre à recevoir l'arbre fruitier ou la graine alimentaire. Ah bon, je comprends. On appelle ces champs-là des abatis. Parce qu'il a fallu d'abord abattre les arbres qui s'y trouvaient, tout simplement. L'action désignée par le verbe a subsisté et a servi d'appellation non seulement au sol débarrassé, mais encore aux champs ensemencés et plantés. Mais savez-vous bien, patron, que la culture ne me paraît ni bien difficile ni bien pénible ici ? Dit à son tour Nicolas. On n'a nullement besoin, à ce que je vois, de charrues, de herses, ni même de pioches. Il suffit d'un morceau de bois pointu, d'un trou dans le sol, la pluie et le soleil se chargent du reste. Vous oubliez les difficultés résultant de l'abattage des arbres. Pouah, avec une bonne hache, on joue sa partie de qui là-dedans, et ça doit dégringoler à plaisir. Vous m'en direz des nouvelles dans quelques jours, et notez bien que nous n'aurons qu'une besogne relativement minime, qui consistera à reconquérir sur les plantes sauvages cet abatis abandonné depuis 10 ans au moins. Savez-vous, mes chers amis, que notre nouvelle propriété est admirablement située et fort judicieusement plantée ? Continua le proscrit en inventoriant d'un rapide regard les végétaux épars de tous côtés. Y a-t-il des arbres à pain ? Demanda Nicolas, qui, on s'en souvient, avait une prédilection toute particulière pour les fruits bizarres constituant à eux seuls un mets tout entier. « Il y a des arbres à pain, » reprit en souriant Robin. « J'aperçois aussi des goyaviers, des passiflores quadrangulaires ou barbadines, des coumiers ou poiriers de la Guyane, des sapotilliers, des poivriers, des muscadiers, des pommes-citères, des orangers, des citronniers. Mais c'est un paradis terrestre !» s'écria le brave garçon enthousiasmé. « Tu oublies le cotonnier, » dit à son mari Madame Robin, qui effilait entre ses doigts une houe blanche et soyeuse enlevée à un arbrisseau de 7 à 8 pieds, qui portait également des fleurs jaunes pâles à taches pourpres près de l'onglet. « Du coton. Ta découverte, ma chère femme, est un trésor. Nous sommes assurés d'avoir des vêtements. Cet échantillon est admirable. C'est le Gossypium herbacum, une des espèces les plus robustes et dont la croissance est le plus rapide. Voyons, il s'agit de ne pas perdre de temps et de profiter de la présence d'Angosso. Nous allons partir en exploration avec Casimir. Vous, Nicolas, vous resterez avec les enfants et leur mère. Bien qu'il n'y ait aucun danger, ne les quittez pas d'une minute. Vous avez d'ailleurs un fusil. Et maintenant, mes chéris, ne vous écartez pas. Il y a peut-être non loin d'ici quelques vilains serpents dont la rencontre serait terrible. Patron, comptez sur moi. Je reste en faction jusqu'à ce que vous m'en ayez relevé. Les trois hommes s'armèrent chacun de leurs sabres. Le bonny prit en outre sa hache. Le proscrit embrassa sa femme et ses enfants, serra la main du parisien, puis ils pénétrèrent rapidement dans les pétaillis en s'ouvrant un chemin à coups de sabre. La journée se passa sans encombre, et le soleil allait disparaître quand ils revinrent harassés, la face et les mains lacérées, mais radieux. Vous dire si l'on fit fête aux poissons boucanés, aux bananes, aux patates et aux ignames rapportés de l'expédition serait superflu. Nicolas connut enfin les joies de l'arbre à pain. Le brave garçon éprouva un mécompte, pourtant. Il s'attendait à mieux. Non pas qu'il trouva que ce fût mauvais, mais cela vous avait un petit goût. « Eh bien, » demanda Robin, quand la faim fut un peu apaisée, « comment se sont comportés nos Robinsons ?»« Nos Robinsons, » répondit la mère, « ont été charmants. Ils ont étudié, oui, mon ami, étudié. Ils ne veulent pas être des ignorants, de petits sauvages blancs. Et qu'ont fait nos petits savants ? Ils ont fait une géographie. De la géographie, veux-tu dire ? Non, mon ami, je maintiens le mot « une géographie ». À tout seigneur, tout honneur. Henri, pouvant revendiquer la paternité de l'idée, parlera le premier. Henri, comment s'appelle la crique où nous avons abordé après avoir franchi le saut Hermina ? Elle s'appelle la crique Nicou, en souvenir du Robinien Nicou. Edmond, quel nom as-tu donné au lac qu'elle traverse ? Le lac Balata, en mémoire du bon lait que nous avons bu. Edmond, à la reconnaissance de l'estomac. Moi, interrompit vivement le petit Eugène, j'ai appelé les vilains rochers. C'est un rapide, un saut, mon enfant, continua gravement la mère. Le saut de l'iguane. C'est iguane qu'on dit, n'est-ce pas, maman ? Oui, mon cher enfant. Quant au point où nous sommes, présentement, nous l'avons nommé, sauf avis contraire, l'anse au cocotier. Tu vois, mon ami, que nous avons tous collaboré à cette nomenclature, qui a le double mérite d'être simple et de perpétuer nos souvenirs. Mais c'est parfait, c'est charmant, fit le repère attendri. Et toi, mon petit Charles, tu n'as rien ajouté à cet important travail ? Moi, je suis trop petit. Quand je serai grand, tu verras, dit le bébé en se dressant sur la pointe des pieds. Et vous ? Demanda Madame Robin. Qu'avez-vous trouvé ? Êtes-vous content ? Le résultat a-t-il répondu à vos espérances ? Il me semble, en voyant les traces des épines, que vous avez dû enlever des taillis d'assaut. La bataille était rude, mais le succès est complet. Nous nous sommes, pour aujourd'hui, imposé la plus extrême discrétion. Ne m'en demande pas davantage. Alors il y aura une surprise, dont je te prie de me laisser toute la joie. L'attente ne fut pas longue. Le proscrit et ses compagnons firent encore 2 absences d'égale durée, puis, le soir du 3e jour, les habitants de l'anse au cocotier tressaillirent de joie en entendant ces simples mots. « Nous partons demain matin. » La distance n'était pas considérable, mais quel chemin ! Si toutefois l'on peut donner ce nom à un sentier à peine tracé au sabre d'abatti, au milieu d'un inextricable fouillis de végétaux de toutes sortes, hérissé de tiges tranchées en biseaux à hauteur du genou, parsemé de racines en forme de petites ogives, assez semblables à des étriers, et que les naturels appellent oreilles-chiens. Cet ingénieux casse-cou est admirablement construit pour faire tomber à chaque pas le voyageur. S'il n'a pas la précaution de bien lever la jambe, son pied s'engage dans l'anse et il s'en va donner de la face sur la terre avec une intensité proportionnelle à la rapidité de sa marche. Nous ne parlons que pour mémoire de la rencontre des serpents, d'autant plus que Casimir s'avance le premier et qu'il frappe de droite et de gauche les taillis avec une longue perche feuillue. Nicolas, portant le petit Charles, lui emboîte le pas. Vient ensuite Madame Robin, appuyée sur une tige de Cunanan, puis Robin tenant sur ses robustes épaules Eugène et Raymond. Puis Henri, qui marche comme un homme. Enfin, Angosso, armé du fusil, forme l'arrière-garde. Le sentier, tracé en ligne droite, monte au bout de 300 mètres environ. Bien que la pente soit très douce, la marche est horriblement pénible. N'importe, nul ne dit mot. Les enfants eux-mêmes ne laissent échapper aucune plainte. Enfin, après une course de 2 heures coupée d'une halte, la petite troupe débouche dans une vaste clairière située à mi-côte de la colline et sur une sorte d'esplanade large de plus de 200 mètres. Une exclamation de bonheur échappe à Madame Robin à la vue d'une grande case qui se dresse gracieusement au milieu de l'espace découvert. Les enfants oublient leur fatigue et s'élancent en poussant des cris de joie. « Moi aussi, ma chère et vaillante femme, dit avec une profonde émotion Robin, dont la voix tremble légèrement, j'ai fait un peu de géographie pendant ton absence. J'ai donné à cette habitation le nom de la bonne mère. Cette appellation te convient-elle? Oh, mon ami, combien je suis heureuse, comme je te remercie. Eh bien, entrons donc à la bonne mère. » Les trois hommes avaient réalisé un tour de force. Il est vrai que le Bonny était passé maître en architecture coloniale, que les doigts du pauvre lépreux possédaient encore une dextérité sans pareille, et que les travaux du pénitencier avaient, hélas, fait de l'ingénieur un charpentier sans égal. Aussi, cette case, dans la confection de laquelle ne sont et pour cause entrés ni un clou ni une cheville, est une véritable merveille. Elle ne mesure pas moins de 15 mètres de longueur sur 5 de largeur et 3,50 mètres de hauteur jusqu'à la toiture. Les murailles, légères, tressées en fin gaulletage perméable à l'air, mais non à la pluie, sont percées de 4 fenêtres et d'une porte. Elle peut impunément braver la rafale, car les 4 piliers, formant le gros œuvre de la construction, sont 4 arbres vigoureux, solidement implantés dans le sol par de profondes racines et dont le tronc était coupé au niveau de la base du toit. Ces arbres ont été réunis entre eux par 4 poutrelles, attachées avec des fibres d'aroma, consolidées elles-mêmes par des lianes de bignonosier. Les chevilles cèdent quelquefois, les mortaises éclatent souvent, ces lianes indestructibles valent mieux que le fil de fer galvanisé. Sur ce rectangle a été dressée une toiture en feuilles de waï, dont les chevrons en bois canou, extrêmement légers, sont reliés à leurs extrémités par le même procédé. Nous avons déjà parlé du waï. C'est un beau palmiste à tige très courte, formant un énorme bouquet plutôt qu'un arbre. Ses feuilles sont composées. La nervure médiane a souvent 4 mètres de longueur, et les folioles atteignent jusqu'à 50 et 60 centimètres. Elles s'insèrent des deux côtés comme les barbes d'une plume. L'ouvrier qui veut en faire une toiture rabat sur celles qui leur sont opposées, les folioles insérées de l'autre côté, les tresses à leur base à la façon des paillassons de maraîchers. Il possède de la sorte une surface plane de 4 mètres de long sur 50 centimètres de large qu'il pose sur les chevrons et immobilise comme les poutres avec les fibres de l'aroma. Ces folioles tressées, mises bout à bout en longueur, superposées et imbriquées en largeur, forment bientôt un toit absolument imperméable qui dure plus de 15 ans et que ne peuvent détériorer ni le vent, ni le soleil, ni la pluie. Les feuilles, d'abord vert tendre, prennent en vieillissant une belle nuance maïs du plus agréable aspect. Les chevrons dépassent sur chaque façade la muraille de plus de 2 mètres, de façon à former une large galerie couverte. La case, enfin, est séparée en 3 parties. L'une servira de dortoir commun à la mère et aux enfants, celle du milieu sur la salle à manger. On pourra en outre y tendre aussi des hamacs pour Nicolas et Robin. La 3e deviendra le magasin, confié à la garde de Casimir. Le sol, purifié par le feu, ne recèle plus les hôtes incommodes qui avaient jadis élu domicile parmi les herbes et les racines. Les abords sont entièrement dégagés. Partout circule l'air et la lumière. 2 beaux manguiers, 2 arbres à pin, plusieurs calebassiers ombragent agréablement la case et une épaisse broussaille hérissée d'épines mais chargée littéralement de ces petits citrons de la Guyane à l'écorce aussi mince que l'ongle, s'étend comme une haie derrière la partie réservée aux enfants. Robin fait visiter, non sans orgueil, cette belle habitation aux nouveaux venus. Les enfants et leur mère sont radieux. Chez Nicolas, la joie se complique d'une forte dose d'étonnement. « Savez-vous bien, patron, que nous allons être logés comme de véritables ambassadeurs ?»« Calmez votre enthousiasme, mon cher enfant. Les ambassadeurs ont des tables, des lits, des meubles, des ustensiles de cuisine et de la vaisselle. Nous n'avons même pas une assiette ni une bouteille. »« Tiens, c'est vrai, » fit le Parisien un peu refroidi. « Nous couchons par terre, nous mangerons avec nos doigts et nous boirons dans des feuilles roulées en cornet. Ça peut être drôle pour un moment. » Je vous avouerai entre nous que je ne serais pas fâché d'avoir un peu de vaisselle plate. Nous en ferons, Nicolas. Tranquillisez-vous, mon ami. Je vous dirai tout d'abord que nous avons des arbres qui portent une superbe batterie de cuisine. Un autre que vous, patron, je dirais, quelle plaisanterie. Mais du moment que vous me l'affirmez, j'ai d'ailleurs vu de si drôles de choses. Et vous en verrez bien d'autres, mon cher. Votre désir relativement à la vaisselle va être promptement exaucé. Ce ne sera pas de la vaisselle plate, mais nous serons forcés, quant à présent, de nous en contenter. Vous voyez cet arbre qui porte de gros fruits verts assez semblables à des citrouilles. Je l'ai remarqué tout d'abord, et j'ai pensé que si le paysan de la fable avait reçu un gland de ce calibre-là sur le nez, il ne serait pas rentré chez lui en trouvant que tout était pour le mieux. Eh bien, voici nos assiettes et nos plats. Tiens, c'est vrai. Ils appellent ça des couilles, si je ne me trompe. Vous avez raison. Faisons comme eux. Cela ne doit pas être bien difficile. Essayez. Je vous préviens pourtant que vous ne réussirez pas tout de suite si vous ne possédez pas le secret de la fabrication. Vous allez voir. » Le brave garçon, sans perdre un moment, se haussa sur la pointe des pieds, saisit à deux mains une courge grosse comme la tête, accrochée à une petite branche du volume d'un porte-plume et qui pliait à se rompre. Il prit son couteau et chercha à entamer l'écorce luisante et polie. Peine inutile, la lame glissait, tailladait en zigzag la mince pulpe verte. Nicolas crut faire un coup de maître en enfonçant la pointe, comme s'il voulait trancher un melon. Crac ! Et voici la calebasse s'éclater en 5 ou 6 morceaux informes, et chacun de rire, comme bien vous pensez. Une seconde tentative eut le même résultat, une troisième allait amener un nouvel échec quand Madame Robin intervint. « Écoutez-moi, Nicolas, » dit-elle. « Je me souviens d'avoir lu jadis que les sauvages séparaient fort adroitement les calebasses en 2 parties égales, en les serrant fortement avec une ficelle. Si vous essayez avec une ligne... Merci, madame, de votre avis. Il doit être bon. Mais je suis si maladroit que je n'ose pas. À mon tour, alors, reprit Robin, qui, pendant que le Parisien s'escrimait vainement, avait employé le procédé qu'il connaissait fort bien aussi. La liane avait, par sa pression, tracé un mince sillon dans la carapace végétale, et l'ingénieur n'eut plus qu'à passer légèrement la pointe d'un couteau pour obtenir 2 hémisphères dans lesquels n'existait pas la moindre fêlure. « Ce n'est pas plus difficile que cela. »« Que je suis donc bête ?» reprit le brave garçon, tout confus. « C'est tout à fait comme si je voulais couper un morceau de verre sans diamant. »« Votre comparaison est parfaitement juste, mon ami. »« Il nous reste à sectionner 12 de calebasses, puis nous arracherons la pulpe qui les remplit, puis nous les mettrons à sécher au soleil et... elles éclateront tout net, si vous n'avez pas la précaution de les remplir de sable bien sec. » Nous pourrons, par la même occasion, nous offrir 12 de cuillères. Quant aux fourchettes, on verra plus tard. En vérité, je vous assure, patron, qu'en nous voyant encore il y a quelques jours si dénués de tout, je n'aurais jamais osé espérer un changement si rapide. C'est vraiment prodigieux. Ce qui me surpasse, c'est qu'ici, toutes les choses indispensables à la vie croissent sur les arbres. Il n'y a qu'à se baisser et à en prendre. Vous voulez dire à se hausser? Si ces arbres vivaient en famille, si on les rencontrait dans les bois à l'état sauvage, la zone équinoxiale serait, comme vous le disiez tout à l'heure, un paradis terrestre. Mais hélas, il n'en est pas ainsi. Qui sait au prix de quelle fatigue cet abatis que les hasards de notre destinée nous ont fait trouver a-t-il ainsi agencé? Combien de patientes recherches, guidées par une merveilleuse entente de la colonisation, n'a-t-il pas fallu pour réunir ici la plupart des végétaux utiles originaires du pays et ceux qui ont été introduits depuis la découverte du Nouveau Monde. Je le répète, la destinée, jadis si cruelle à notre égard, nous a traités en enfants gâtés. Que fussions-nous devenus dans cet incommensurable désert de plantes stériles, sans abri, sans vivres, presque sans instruments? Le gibier est peu abondant, et la chasse demande des armes et une aptitude spéciale. la pêche. Nous connaissons le Nikou depuis quelques jours seulement. La terre sera donc notre unique ressource. Nous trouverons des aliments sains et abondants dans le sol et sur les arbres. Oui, les arbres, dit en aparté Nicolas songeur. On trouve de tout sur ces arbres quand on a la chance de les rencontrer. Je vous disais tout à l'heure que vous en verriez bien d'autres. Ce sera avant peu, quand nous aurons pourvu au plus pressant besoin de notre installation. J'ai trouvé en quelques heures des trésors inestimables. Il y a sur le haut de la colline des cacaoyers et des caféiers. Cette découverte a bien son importance. Que dites-vous de l'arbre à beurre, et de l'arbre à chandelle, et du savonnier ? Nicolas, qui voulait connaître des arbres aux produits tout à fait inusités, passait de l'étonnement à la stupeur. Ce n'est pas tout, et je ne vous parle que pour mémoire du roucouiller, du cannelier, du giroflier, du muscadier et du poivrier. Mais l'avocatier méritera votre attention. Un arbre sur lequel poussent des avocats ? Oui, des avocats. Et ça se mange ? Ça se mange. Ah ! Fit-il effaré. Passons, si vous le voulez bien, sur l'ipecacuanha, le caoutchouc et le ricin, et arrivons au fromager. Monsieur Robin, je vous regarde comme un homme sérieux. Et vous ne voudriez pas vous moquer d'un pauvre garçon comme moi. Mais avouez entre nous que c'est raide. Voilà maintenant un arbre sur lequel poussent des gruyères, des monts d'or, des roqueforts et des camemberts. Non, vous n'y êtes plus. Le fromager ne produit pas de fromage. Pourquoi alors lui donner ce nom qui me met la double crème à la bouche? Parce que le bois du bombax, bombax c'est son nom scientifique, est blanc, mou, poreux et assez semblable à du fromage. Ses fruits et sa gomme ne sont pour nous d'aucune utilité, mais ils portent de longues épines aussi dures que le fer. Ces épines nous serviront de clous. Quant au duvet si fin, si soyeux, qui entoure ces graines, nous l'utiliserons en guise d'amadou. Eh bien, êtes-vous content de cette leçon à bâton rompu de botanique équinoxiale ? Je suis ravi, enchanté. Du moment que la nature remplit si bien sa fonction de mère nourricière, à moi de recueillir ses produits. Dites à nous, mon cher enfant. C'est manière de dire, monsieur Robin. Voyez-vous, je compte travailler comme quatre, employer mon temps, mettre tout ça en ordre, fabriquer des ustensiles, faire la récolte, enfin, devenir un véritable Robinson, tel qu'il n'y en a jamais eu dans les livres. Je ne doute pas de votre volonté, mon ami. Je connais votre vaillance. Nous allons dès demain entreprendre une lourde tâche. Les enfants ne pourront pas de longtemps prendre part à nos travaux. Il nous faudra pourvoir à leur subsistance, à celle de leur mère. Mon vieux Casimir, en dépit de son courage, est bien affaibli par l'âge et la maladie. C'est sur nous deux que repose presque exclusivement le souci de l'approvisionnement. Le brave Ngosso va nous quitter. Tiens, c'est vrai. Ce bon sauvage, ce mot signifie sans mauvaise intention, un particulier qui n'a jamais vu la colonne de Juillet. Je m'étais attaché à lui. Ce que c'est que de nous. Autrefois, les nègres me produisaient un drôle d'effet. Tandis qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a de bien bonnes gens parmi eux. À propos, vous me rappelez que j'ai de l'argent à lui donner. Il faut qu'il passe à la caisse. Hé, Ngosso, Ngosso ! Qu'est-ce à rouler, mouché ? Fit le noir. Ça a roulé, ça a roulé. Je veux te donner tes 2 pièces de 100 sous, tes sous marqués, tes rouleaux, quoi. Ah oui, mot content. Moi aussi, je suis content. Nous sommes tous enchantés de tes services. Voici la somme, mon camarade. Termina-t-il en lui remettant ses 2 pièces de 5 francs. Le noir, après avoir reçu son salaire, resta un moment bouche béante devant le Parisien. Ses 2 gros yeux de porcelaine contemplaient avec une ardente fixité la chaîne d'argent avec les coulants de jade vert à laquelle était attachée la montre de Nicolas. « Oh » murmura-t-il, « Libo. 23 francs 30 centimes, à la foire au pain d'épices, c'est pour rien. Libo, trop beaucoup. » Un pauvre petit article de Paris. « Tiens donc, monsieur le Bonny, si le cœur vous en dit, l'objet est à votre service. Vous vous êtes assez gentiment conduit à notre égard pour qu'on vous procure un petit plaisir. » « Et voilà, estimable canotier, » dit-il après avoir décroché la chaîne. Ngosso pâlit de bonheur en la recevant du bout des doigts avec une joie craintive. « Sa bagage, la pomme ? » demanda-t-il anxieusement. « Sa bagage, le poteau ? » riposta Nicolas, ravi de placer un mot de créole. Le Bonny demeure un instant comme écrasé par ce bonheur inespéré. Sans dire un mot, il bondit vers son pagara, sur lequel était enroulé son hamac, un de ces admirables tissus filés par les femmes de son pays, le déplia et l'apporta en disant « Où compé Ngosso ? Angoso compte en bonbons. Liba et Zamak pour Petit Moon. Liba et Sabla pour Compé Blanc. Vous êtes le compère d'Angoso. Angoso est très content. Il donne son hamac pour les enfants. Il fait cadeau de son sabre à son compère blanc. Mais non, ce n'est pas la peine. Que diable, je ne vous ai pas fait un cadeau intéressé. Acceptez, mon cher Nicolas, intervint Robin, acceptez. Vous lui occasionneriez un véritable chagrin en refusant son présent. Et maintenant, mon brave Angoso, bah, retourne dans ta famille. Si jamais tu manquais de provisions, si la famine sévissait chez toi, viens ici avec les tiens. Tu seras reçu à bras ouverts. Tu bâtiras un carbet près du mien. Nous partagerons les vivres. Oui, mouché, Angoso vinico tétic blanc, sili paga manioc, ni li paga poisson. Puis il prit congé des Robinsons à la façon des nègres de la Guyane, c'est-à-dire en saluant individuellement chacun d'eux. Bonjour, Tic Blanc. Bonjour, madame. Bonjour, Compé. Bonjour, Petit Moon. Répétez quatre fois. Bonjour, Casimi. Mon parti Kaba. Surtout, dit Robin en lui serrant une dernière fois la main, ne dis jamais qu'il y a des blancs ici. N'oublie pas non plus que tu seras toujours le bienvenu chez nous, toi et tous les bonis. Oui, mouché. Angoso compé à tout moun à Tic Blanc. Lis pas parler, pas ses poissons. Oui, monsieur, Angoso est le compère à toute la famille du tigre blanc. Il sera plus muet qu'un poisson.